coucou les cailloux, les cailloux, c'est le retour de Radio Cayenne pour la saison 3, troisième Cayennette de suite. Vous vous sentez comment là autour de la table? Vous êtes ému ou pas? Vous pouvez faire un ouais? Ouais! Est-ce qu'on est chaud à Cayenne ce soir? Ouais! Ok, ouais, super, enthousiasme, top mood. Du coup, ouais, c'était pour vous dire bonjour et vous dire qu'on allait vous passer des trucs. Alors, vous nous écoutez sur antirep.net. Je sais pas si vous pouvez nous envoyer des messages par téléphone, je crois que c'est pas remis en service. Bon, c'est la rentrée, en fait c'est comme l'école quoi, on passe les vacances d'été, on s'amuse bien, puis quand il y a la rentrée, on a tout oublié. Mais ça va revenir vite, parce qu'on va réviser. Du coup, au programme, il y a de l'actu, des retours aussi sans doute sur ce qui s'est passé cette dernière semaine sur Nantes, avec un level bien hardcore de répression de ces morts nuls. Cayenne. Radio micro qui marche pas. Salut Radio Cayenne, j'ai le micro numéro 1, non? Attends, commence. Salut Radio Cayenne, et bah ouais, c'est la rentrée, c'est pour ça il faut qu'on se réhabitue un petit peu au matos. Et pour commencer, en fait, le temps qu'on continue un petit peu de préparer tout ça, on voulait vous passer quelques podcasts. Et du coup, le premier qu'on va vous passer, c'est un podcast peut-être après une petite pause musicale. Le premier qu'on va passer après une petite pause musicale, c'est un podcast qui nous vient d'arteradio.com, de Live au son, plus exactement. Et cette semaine, enfin c'était pas cette semaine, c'était la semaine dernière, c'était un petit son sur Gérard Collomb. Peut-être on vous en dit pas plus, ça s'appelle Gérard Collomb à l'EHPAD, je crois. Peut-être que vous avez entendu parler de Gérard Collomb. Oui, peut-être on peut dire qui c'est. On peut dire qui c'est, ouais. Je sais pas. Gérard Collomb, c'est notre ancien ministre de l'Intérieur. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, nous n'avons plus de ministre de l'Intérieur en France. Mais ça veut dire qu'on peut foutre le sbel ? Depuis maintenant 10 jours, plus de 10 jours, mais ça n'a pas l'air d'arrêter l'activité de la police. Non, ils vont prendre des initiatives plutôt. Ouais, où il y a un petit Édouard Philippe qui est le Premier ministre qui a pris le relais. Donc Gérard Collomb a démissionné pour s'occuper de sa campagne au municipal de Lyon. Et le gouvernement a un peu de mal, en tout cas Emmanuel Macron a un peu de mal à reformer un gouvernement. Bon, ça veut pas dire qu'on n'a plus de gouvernement, on a toujours un gouvernement, malheureusement. En Belgique, il s'en sortait bien sans, pendant 2 ans. Et ouais, je crois qu'ils avaient quand même des keufs et il y avait quand même... Ah mince. Ouais. Zut. Bon, en tout cas, il y aura un petit son sur Gérard Collomb après la petite pause musicale. Et après, on repassera peut-être 2 ou 3 autres podcasts. Et après, on entame le programme de la soirée. Et c'est trop cool que ce soit la rentrée. Nous, on est trop contents de retourner faire de la radio. Et à tout à l'heure. Radio Cayenne. Radio Cayenne. We'll be right back. Lyonnais qui ont besoin d'exprimer une joie par rapport au retour déjà. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec un micro. Et j'habite à Lyon, au cœur de l'actu. Alors, la une du Parisien, mercredi 3 octobre. Psychodrame à l'Élysée. Ils sont grotesques. Le Progrès, 6 octobre. Gérard Collomb est joyeux. Il est pas du tout dans le monde des gens, il est ailleurs. Il ne cesse de se faire interpeller et arrêter par les passants de tout âge pour un selfie. C'est monsieur, il veut trop être le notable et puis place aux jeunes. Le Progrès, 3 octobre. Voyez, j'ai envie de retrouver les Lyonnais et de construire l'avenir avec eux. Est-ce que vous avez senti qu'à Lyon, il y a une sorte de joie là, ces jours-ci par rapport au retour de Gérard Collomb? Je ne joue pas par rapport au retour de Gérard Collomb. Vous voyez, les gens ne m'ont pas oublié. Une légende urbaine qui s'est auto-fabriquée sur la joie de tout le monde qui l'attend. Médiacité, 3 octobre. Pendant la durée de son bail Place Beauvau, le baron lyonnais est resté simple conseiller municipal et métropolitain. Il a touché, au titre de ses mandats lyonnais, au moins 33 000 euros. En plus, je postulais à un poste à la mairie, mais j'ai pas été prise aujourd'hui. C'est marrant. Le Monde, 4 octobre. C'est vieux quand même. Au sein du gouvernement, Gérard Collomb était surnommé Son Altesse Sénilissime. Le fait qu'il soit vieux, c'est mieux que d'avoir un jeune. Quel personnalisé, à travers plus de 50 résidences retraites médicalisées et résidents seniors en France. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour le placement d'une personne. Oui, il est âgé. Il a 71 ans. Il n'est plus du tout en mesure d'assurer son autonomie, sa sécurité et puis celle des autres aussi. Oui, d'accord. Il a des troubles cognitifs ou... Disons qu'il n'est pas vraiment à l'écoute des autres, il est assez autoritaire. Oui. Alors oui, il y a aussi une chose, c'est qu'il n'aime pas trop les étrangers. Je ne sais pas si dans votre établissement, il y a des personnes... Pas dans le personnel, oui. Ah oui. Après, je peux faire, monsieur, si vous envoyez de toute façon une documentation. Ouais. Alors, je vous écoute. Vous êtes monsieur Collomb. Donc, monsieur Collomb. Gérard. Gérard, d'accord. Oui, j'avais une dernière question. Pour le vaccin pour la grippe, vous les faites absolument à tout le monde ou il y a des dérogations? Et pendant ce temps-là... La Croix, 7 octobre. Dans une soixantaine de villes, des manifestants se sont réunis pour réclamer un pavillon pour l'Aquarius et dénoncer l'inaction criminelle des gouvernements européens. Le Progrès. Lyon, un millier de citoyens ont manifesté pour le sauvetage en mer des migrants. Bonjour, excusez-moi mesdames. Excusez-moi, c'est un rassemblement pour fêter le retour de Gérard Collomb à Lyon. Il y a un rassemblement pour le retour de Gérard Collomb. Il ne félicitera pas ses équipes pour l'arrestation de Redouane Faïd, le braqueur le plus célèbre. Moi, ça doit faire un sérieux coup quand même. Creil dans l'Oise après 3 mois Faïd. De cavale. Society, 26 juillet 2018. Depuis son évasion par hélicoptère de la prison de Réau le 1er juillet, Redouane Faïd est l'homme le plus recherché de France. Non, mais moi, Redouane, c'était un peu mon espoir dans le game médiatique de cette saison, quoi. C'était un peu... Les keufs croient que ce sont les Corses qui l'ont fait s'évader. Tu sais, c'est ce genre de personnage qui intervient un peu dans les infos, mais pour te venger. Ce sont seulement des mecs qui l'aimaient bien et qui ont des couilles. Il arrive comme ça entre les catastrophes naturelles, les assalamés, les djihadistes, les baisses d'impôts pour les riches, Michel Onfray, l'extrême droite au Brésil. En 1981, Faïd a 9 ans. Bien quoi, quand même. Il est entendu pour un vol dans une école maternelle. Une sorte de Robin des Bois. Le pactole, des billes et un disque de Chantal Goya. Même si c'est pas le cas, t'as envie d'y croire. En 90, Redouane braque sa première banque. Il est plutôt beau gosse. Il file quelques minutes après le casse au lycée où il est scolarisé en terminale. Il s'échappe de prison alors qu'elles sont ultra sécurisées. Le Monde, 2 juillet. En 2010, il est surnommé l'écrivain dans les rangs de la police après la parution de son autobiographie. Il bluffe tout le monde. Redouane Faïd fait alors la tournée des plateaux de télé en chemise blanche, assurant avoir tourné la page. En plus, à chaque évasion, à chaque procès, il en profite pour faire toute une dénonciation des longues peines, des conditions carcérales. Il purgeait une peine de 25 ans de prison pour un braquage qui avait mal tourné et entraîné la mort d'une jeune policière, Aurélie Fouquet. Non, l'histoire de la policière, il a toujours nié qu'il était là. Redouane Faïd a été condamné 2 fois aux assises. C'est une défense. Ouais. 10 ans pour son évasion de la prison de Lille. Je suis sûr qu'au fond, c'est un gentil, Redouane. Et 18 ans pour l'attaque d'un fourgon blindé. C'est quelqu'un de bon. Le Parisien, 4 octobre. C'est quelqu'un de doux. Redouane Faïd, de simple. Piégé en pleine nuit dans sa planque de craie. Du cliché du voyou qui part dans les îles pour tout claquer dans les hôtels et les putes. En arrivant, la BRI s'est trompée d'appartement. Quoi ? La BRI s'est trompée d'appartement. Par terre, la machine avait cassé, j'avais mon beau-père qui dort en le malmenant, hein. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait exactement? Ben, ils l'ont relevé du lit, en lui disant haut les mains. Il a 87 ans, il dormait dans un sommeil profond, il a eu peur, il aurait pu être victime d'une crise cardiaque, hein. Et alors vous, vous saviez qu'il était là, Redouane Faïd? On se doutait même pas qu'il était là. Et vous étiez déçu qu'il soit arrêté? Non, bon, justice se fasse, hein, mais on se trompe pas. Il aurait pu y avoir une bavure policière. Un arrêt cardiaque. Qui sont les gentils? Qui sont les méchants? Vous avez une semaine pour réfléchir là-dessus, le temps qu'arrive une nouvelle dépêche. Wesh wesh. Après un week-end de Castex, et sur la proposition du Premier ministre, le Président a nommé Monsieur Redouane Faïd, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur Bernard Tapie, ministre de la Justice et de la Santé. Monsieur Gilbert Monsanto, ministre de l'Agriculture et de la Transition écologique. Arrêtez. Messieurs Bouba et Caris, ministre de la Culture. Radio. Monsieur Samuel Hirsch, ministre du Mix et des Dernières Coupes. Je redis ce que vous venez d'écouter pour celles et ceux qui sont arrivés en cours. Donc on a écouté un son qui vient de Arte Radio et de quelqu'un qui s'appelle Livo. Voilà, ça parlait de Gérard Collomb et de Redouane Faïd. On réécoutera un petit son qui vient de cet endroit-là tout à l'heure. Et là, on va écouter un petit peu de musique avant d'écouter un autre petit son qui vient pas de nous. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Fait pour l'amour d'aimer, sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusils les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. de fête, les fusils sur nous dirigés. Contre nos chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Toujours sur Radio Cayenne, 105.5 FM, non c'est pas vrai, on est toujours sur Radio Cayenne, on n'est toujours pas sur la FM, vous nous écoutez sur radio.antirep.net et c'est tous les lundis à partir de 19h. Du coup là on va vous passer un autre petit son qui s'appelle Méga Combi, sa vie, sa mort. Pour celles et ceux qui nous écoutent régulièrement, vous savez qu'on est un peu le fan club officiel nantais de Méga Combi. Mais que Méga Combi, ben, c'est fini, qu'on était très triste. On a fini la saison sur la fin de Méga Combi. On reprend la troisième saison. On reparle un petit peu de Méga Combi. Promis, on va s'arrêter un jour d'en parler. Et là, on vous passe un petit son. Qui a été fait justement sur les dernières émissions de Méga Combi. Ça se passe dans les coulisses de cette émission, donc à Radio Canu. Et c'est quelqu'une qui est de passage à Lyon et qui a eu envie de comprendre comment se fabriquait cette émission, qui est enregistrée, enfin qui était d'ailleurs enregistrée et diffusée tous les mercredis. Dans la description, elle met qu'est-ce qui motive ces radioactifs à se retrouver et à créer des sons? Comment s'organise le travail en collectif? Pourquoi une radio associative? Pourquoi mettre un terme à ces 10 années méga combiesques? Du coup, on vous laisse écouter ce petit son, ça dure 18 minutes et voilà. À tout de suite. Méga combi. Méga combi. Salut, Samir. Méga combi. Alors, la méga combi. C'est la meilleure émission de la bande FM. Mais c'est surtout. C'est une émission faite par une joyeuse bande de radioactifs. Et chacun apporte ce qu'il sait faire, ce qu'il a envie de faire. Des reportages, des documentaires. Des fausses pubs, des. Des sketchs. Des fausses informations qui ne sont pas des fake news. Des interviews. Des éléments de fiction. Des blagues. Des parodies. Des textes écrits. Des expressions politiques. Des entretiens. Des créas sonores. Un peu de musique. C'est un peu, ouais, comme, je sais pas, un yaourt avec plein de morceaux de fruits. Tu vois, avec plein de gens dedans qui savent faire plein de choses sur des registres super différents. Et. Bah, la force de Mégacombi et puis la force d'Olive qui a réalisé pendant toutes ces années Mégacombi, ça a été de les mettre ensemble en fait. J'ai l'impression dans le reste de ma vie de tout le temps passer beaucoup de temps pour finalement pas réussir à être vraiment d'accord avec les gens ou à produire un discours intéressant. Et qu'à Mégacombi, c'est une sorte de bulle où, en fait, sans vraiment en parler, on se retrouve à produire un objet qui dit plein de trucs avec lesquels moi je suis vraiment d'accord et que je trouve vraiment important de dire. Et tu t'as plongé que. Enfin, Berger, Asie. Et donc, ils sont en train de. Mais là, je suis en train d'essayer d'écrire des blagues. Ça marche. Écoute, ça marche. On a eu la bonne nouvelle d'avoir une nouvelle info sur Nordal le Landais, hein, qui fait partie de mes personnages préférés de l'actualité. Celui qui a tué la petite Malice. On va pouvoir faire une petite interview de Nordal le Landais. J'essaie de mettre ça en parallèle avec. Nordal le Landais va donner son avis sur la libération des radicalisés, du coup. Non, des fois, c'est pas drôle, hein, mais. Mais peut-être qu'il y a des gens qui nous trouvent horribles. Ouais. Je pense. Mmh. Non, ouais, non, je crois qu'on se permet un peu tout, quoi, qu'en fait, finalement. Enfin, même sur France Culture ou Arte Radio, qui sont des médias relativement libres. Ça dépasse rarement une certaine limite. Tu peux pas faire ce que tu fais sur Mégacombi, quoi, c'est clair et net. Et c'est aussi pour ça que des radios associatives, elles sont si précieuses, même si certains peuvent dire qui écoute ça, personne n'écoute ça, etc. Bon, un, c'est pas vrai, il y a quand même des gens qui écoutent, puis deux, c'est surtout des espaces indispensables en fait. Et même sur certaines radios associatives, elles pourraient pas. C'est vraiment la liberté qu'offre Radio Canut qui permet d'être libre de raconter ce qu'on raconte et aussi de la manière dont on le fait. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes au cœur d'une édition spéciale consacrée à la mort de Gérard Collomb et les infos commencent à se préciser. Oui, alors Gérard Collomb serait donc mort au 4e étage de la tour InCity. Certaines informations pas totalement confirmées évoquent une déshydratation fatale. Emmanuel Macron serait arrivé à Lyon pour délivrer un discours hommage. Et puis, on apprend à l'instant que le syndicat Alliance de la Police a décidé de se donner rendez-vous pour aller gazer des gens au pif en hommage à leur ministre. Gérard Collomb's dead. En exclusivité sur Radio Canut, on est toujours en compagnie de Michel Vespucci, biographe officiel de Gérard Collomb. Et nous avons en ligne Mademoiselle Candy, qui a été l'institutrice de Gérard Collomb. Est-ce que vous m'entendez, Mademoiselle Candy? Oui, tout à fait, bonjour. Il faut graver les CD. Oui, bah, tu viens de me faire les Edits, je suis pas magicienne. Hein. Bah ouais, mais les Edits, c'est simple. Sinon, n'hésite pas, on a quand même un morceau de 5 minutes ou une fois. Bah ouais, mais du coup. Et voilà, et la bonne nouvelle, c'est que ça rentre. Tout rentre. On va faire une émission de 60 minutes. Donc, nous allons prendre l'antenne à 18h avec une pub, suivie d'un frisson de nettoyage des murs. Ouais. Tu commences par la pub ? Je pense, ouais. Suivi du générique, puis du sketch, qui n'est pas tout à fait fini, puis d'une musique qui est le nouveau Jail. Enfin, toutes les contraintes dont je te parlais, tout ça, c'est pas des trucs qu'on a formalisés au début. En fait, cette émission, on a appris à la faire et elle est devenue comme ça sans qu'on y réfléchisse trop. C'est aussi ça qui est cool du rythme assez soutenu d'être hebdomadaire, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas pendant 3 mois à réfléchir à ce que tu vas faire. T'as une idée, la journée tu la tournes, mais que ce soit un reportage, une création, un délire dans ta chambre, juste du son avec 2 micros qui se touchent et qui fait un larcène, ça tu fais ça l'après-midi et le soir même tu l'amènes à Mégacombi. C'est bien, c'est pas bien, en tout cas ça a été fait et t'as pas de regret quoi, tu l'as fait. Il est 17h49. Allez, où ? Allez, Mathilde. Distribue les sketchs, s'il te plaît, on va répéter le sketch. Alors, sketch où ? Il y a un côté fourmilière le mercredi. Où ça bosse, ça clique, on entend des clics toute la journée, les casques, on échange des textes, on lit la presse. Enfin, je sais pas, il y a un truc. C'est enivrant, quoi. Moi, quand j'avais le temps de passer mes mercredis à la radio, sur la prépa de l'émission, etc., c'est super excitant, quoi. D'assister à l'assemblage final de ce que les uns les autres amènent, de tout le lien qui va être fait avec le. Bah voilà, monter le conducteur, écrire toutes les conneries qu'on peut raconter à l'antenne, et puis le décompte, tic-tac, tic-tac. Antenne à 18h, il faut être prêt. Ça, c'est assez excitant et je pense que personne ne s'en lasse de ça, même après 10 ans. C'est un tourbillon, quoi. Ouais. Mais tu peux te prendre rien en fait. Micro jaune. Oui. Check. Oui, micro vert, écologie. Micro rouge, communiste. Micro bleu. Ouais, check, c'est le téléphone. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Enfin, des fois, je me dis, c'est fou, quoi. C'est pas un boulot, on n'est pas payé. Et moi, des fois, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de pas bosser, de décaler des trucs de boulot pour Mégacombi. Et ce qui me va, hein, tu vois, c'est des choix. C'est parce que je le veux bien, quoi. Si je passe autant de temps, c'est aussi que c'est hyper important dans ma vie de faire ça, quoi. Enfin, si tu te dis, si cette émission, elle devait être, si on devait être payé pour ce qu'on fait. 5 millions. 6 millions pour suivre. Il y a plein de monde, il y a plein de docs. Ça, c'est que des trucs qui coûtent cher à produire, de la fiction. Relance. 12 millions. Mais laisse tomber, enfin, ça coûterait une fortune. Donc en fait, il n'y a même pas d'économie vraiment possible. En tout cas, Mégacombi telle qu'elle l'est, moi je vois pas comment ça peut être converti dans quelque chose où les gens sont payés. Ça bouleverserait complètement le fonctionnement de l'équipe. Ça supposerait de faire pas mal de compromis avec ce qu'on a envie de défendre et je crois que c'est mieux de pas les faire, ces compromis-là. Mais en vrai, heureusement que... Enfin, qu'est-ce que ce serait devenu? Ah ouais, on ferait des blagues comme sur France Inter. Moi, je crois pas que tout effort soit un travail et que tout travail doive rentrer dans le salariat. Parce que si on devait faire ça en étant rémunéré, ben on le ferait pas, en fait. Sans ça, n'existerait pas, l'émission. Parce que du coup, ça reste un élan, quoi, qui vient des tripes, qui vient du cœur. Et c'est là où, moi, je trouve que c'est beau, du coup. C'est que ça a pas de valeur économique. Ça rend le truc encore plus beau. C'est que l'amour de la radio et c'est ça qui marchait, mais... Marre des émissions qui se dégradent. Marre des producteurs-chefs qui gardent l'antenne trop longtemps. Euthanasie et gérer les vies. Pour que... que les émissions radio, elles aussi, aient le droit de mourir dans la dignité, faites un don à Euthanasie et Générique. Euthanasie et Générique est une ONG qui propose de pratiquer des interruptions volontaires d'émissions en douceur. Euthanasie et Générique. Pour rassurer celles et ceux qui ne voudraient pas lâcher. Testé et approuvé par Macha Béranger, Pierre Belmar et actuellement en expérimentation avec Pascal Clark. Plus d'infos sur Euthanasie et Générique FM, défiscalisation des dons sur ortf.gouv.fr. Non mais en fait quand j'ai su, tu sais, on est allé à Brest et la semaine avant qu'on parte, on sort de l'émission et on, comme souvent, on va boire un coup. Et un peu en rigolant, je balance une vanne à Olive en lui disant bah, « Est-ce que t'attends le direct à Brest pour annoncer à tout le monde que c'est la dernière saison et qu'on arrête après ?» Et je m'attendais à ce qu'il rigole et que voilà. Et en fait, il tire une tête de 3 pieds de long. Donc tout le monde s'arrête un peu autour de la table. Et là, il nous annonce que, bah, effectivement, l'émission va s'arrêter, mais qu'il voulait nous le dire après Brest. Donc si tu veux, ça a été un peu rude parce que... Bah parce que moi je m'y attendais pas vraiment, même si on l'avait déjà évoqué l'année d'avant, tu vois. En fait, c'est que j'avais pas envie, mais. C'est un peu, je pense, comme une rupture amoureuse, tu sais, le moment où tu dois te séparer parce que ça va plus, t'as encore de l'amour, mais tu sens bien que ça manque, enfin, tu vois, qu'il faut arrêter avant que ça soit trash, quoi. Donc, Ouais, je sentais bien qu'il y avait une fatigue et que il y avait des coups de mou, quoi. Enfin, on a tous aussi des vies perso avec plus en plus d'enfants, de choses qui nous prennent du temps aussi en dehors de notre vie professionnelle. Donc c'est pas facile aussi de produire toutes les semaines pour Méga Combi, quoi. Et en même temps, oui, non, des fois je comprends pas parce que je me dis, mais ça le rend triste, ça nous rend triste, bah pourquoi on arrête en fait, on peut continuer, on en fait une. C'est un peu à chaud là parce que tu vois, hier on a fait le direct donc. Ça va faire un gros trou dans ma vie. Non, c'est pas évident à gérer en fait. Au début, ça m'a. J'ai eu plusieurs stages, je crois. Autant ça m'a soulagé, autant ça m'a fait peur. Autant maintenant je l'accepte bien et je suis curieux de voir ce qu'il va y avoir après. Parce qu'il y aura forcément un après, quoi. Je pense que c'est bien de tourner des pages, notamment dans les aventures collectives. C'est un peu comme les groupes de musique. C'est bien quand ils ne durent pas trop. On ne sait pas, en fait, ça se trouve, on n'aurait pas fait l'année de trop, ça se trouve, l'année prochaine, c'est encore super, et l'année d'après encore, mais en fait, je pense qu'on est fatigué aussi. Et puis Olive, il est fatigué, et il porte cette émission, enfin, et il veut la porter, et ça se... En fait, il arrête juste avant d'être trop chef, quoi. Parce que, donc, Combi, il a fait son parcours dans la radio, c'est aussi sa vie professionnelle, il n'a pas la même expérience que nous. Donc il a une exigence qui n'est pas la même en fait, et qui des fois peut être un peu peut-être déplacée pour une émission à Radio Canu avec des gens dont la radio n'est pas la profession, et ça il s'en est rendu compte et je pense que ça arrive au bon moment en fait. Effectivement l'exigence elle a monté et que des fois, vu que moi je suis le personnage central, je reçois les sons et que du coup je suis un peu garant de cette exigence, ou en tout cas c'est moi qui ai le truc, et des sons que tu n'estimes pas au niveau de cette exigence, donc des fois tu te dis, bah, ça on t'aige, donc voilà, et après il y a un échange avec les membres de l'équipe, il y a des gens qui disent, bah, ouais, en fait t'as raison, c'est pas bien, ou tu vois, ils disent, bah non, j'ai quand même, enfin tu vois, j'ai... donc on essaye toujours de trouver quand même un consensus, quoi, que ça aille dans les deux sens. Il en fait pas non plus un truc dictatorial, tu vois, même s'il tranche hein, sur beaucoup de choses, mais moi je trouve que c'est plutôt du conseil un peu éclairé et effectivement parfois un peu insistant parce qu'il faut que ça rentre dans une heure et que s'il y a trois super sujets, on peut pas avoir trois super sujets de 15 minutes. Voilà, il fait l'arbitre parce qu'il a cette position historique dans l'émission. Ça a un avantage d'efficacité. Renvoyer des mails aux gens en disant... Et alors, on fait ça, est-ce que ça te dirait? Est-ce que t'as une idée? Sinon, il y avait ça, je peux pas le faire, est-ce que ça te dit? Si tu veux écrire un texte sur ça, ça te dit? Enfin... T'as un seul cerveau qui sait du point A au point Z où on va. Voilà, après, je l'accepterais pas forcément avec quelqu'un d'autre si on part sur une autre émission l'année prochaine. Tu vois, c'est pas l'idée, par exemple. C'est tout ça l'enjeu, en fait, c'est réussir à faire quelque chose, peut-être pas aussi bien formellement, mais de moins aussi pertinent, tout en essayant, nous, de fonctionner aussi de manière plus pertinente, d'essayer d'être plus collectif dans les prises de décision, de fonctionner de manière plus horizontale. Voilà, cette façon d'arrêter, c'est aussi de pointer cet échec-là, en fait, d'être resté dans un truc pas complètement sur l'autogestion, dans le sens les tâches qui tournent et tout ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de transmission sur la régie générale ou sur le côté locomotive, justement. Parce que d'une part, personne ne voulait prendre ce rôle-là, même de manière éphémère. Quand il y en a eu, on n'y est pas arrivé. Moi, j'ai peut-être pas réussi à lâcher des trucs et tout ça. On lui a donné et il a pris un rôle. Et il a pris un rôle et on lui a donné. Un rôle qui est compliqué à tenir sur le long terme, je pense. Non seulement du point de vue de la fatigue, et même du point de vue symbolique, en fait, c'est un peu... Politiquement, est-ce que c'est cohérent de fonctionner ainsi, alors même que dans le contenu de ce qu'on défend, il y a pas mal de ces choses-là qu'on combat? C'est pas très Canu, en tout cas, comme idée. C'est pas à Canu, et même dans Mégacombi, on défend quand même des idées de pas de chef, d'autogestion, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des leaders, mais qu'il faut que les leaders soient, ou en tout cas des locomotives, comme on dit, des coordinateurs ou des coordinatrices, mais qu'ils soient éphémères, que ça tourne. Et là, fait que ça tourne pas, que les trucs sont tellement ancrés que c'est difficile de les remettre en question. En fait, on s'est auto-formaté à nous-mêmes, à ce qu'on avait comme liberté chacun, et ça nous convient, on a fondu notre petit cocon. Jusqu'à présent, on était dans un confort un peu où on fait ce qu'on sait faire, des fois on ose des trucs, mais où on a... En tout cas, en 5 ans, moi j'ai l'impression d'avoir fait... Pas le tour, parce que en vrai, des sons différents, il y en a des milliards à faire, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, je suis frustrée de pas les avoir fait ou de pas avoir eu le temps. Mais. Je crois qu'on finit par épuiser la capacité qu'on peut avoir à se surprendre nous-mêmes. Je crois pas à l'échelle individuelle parce qu'on est infiniment complexe, mais je crois que dans les groupes, on peut finir par tourner sur des routines et notre zone de confort, on dit maintenant. Voilà, et voilà, là ça fait 10 ans, je pense que c'est le bon moment d'arrêter quoi. L'émission, on est sur la meilleure saison qu'on ait jamais faite. Il y a une bonne ambiance, voilà. Du coup c'est bien de s'arrêter sur un truc hyper positif. L'histoire retiendra que Mégacombi est la meilleure émission du monde et pas fut un temps les meilleures émissions du monde avant de se faire doubler par des petits jeunes avec plein d'énergie. Là, au moins, on grave dans le marbre cette idée-là à jamais. C'était Mégacombi, sa vie, sa mort. Merci à toute l'équipe et à Radio Canu. On est toujours sur Radio Cayenne, on kiffe toujours autant vous éclater les oreilles avec nos jingles qui sont 10 fois plus forts que tout le reste de ce qu'on passe dans cette radio. Mais un jour, promis, pour la saison 4, on égalisera un peu tout ça. Ce qu'on vient du coup d'écouter, ça s'appelait, ce que vous venez d'écouter, enfin nous aussi, ça s'appelait Mégacombi, sa vie, sa mort. C'est un son que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, sur le SoundCloud de Anne-Sophie Giraud, G-I-R-A-U-L-T.

We'll drink the beer and hang out where death took another sun. So all for one and one for all, do we ever wonder why? Though the reason's clear, this friend so dear was taken. The praise of a fallen soul. On va vous passer un autre son qui vient encore de Live au son, donc pour celles et ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Live au son, c'est c'est quelqu'un que vous pouvez retrouver sur arteradio.com qui fait des découpages et qui commente l'actualité. Et là, ça se passe à la rentrée, donc on est un petit peu en retard, mais en même temps, nous, on fait notre rentrée aujourd'hui. Ça se passe à la rentrée, et c'est Laurent Vauquiez qui a envoyé des SMS à des tonnes de lycéens à Lyon à la rentrée. On vous laisse écouter. J'ai bien lu le long entretien dans Le Monde du 2 septembre avec Edgar Morin, 97 ans. On essaie d'effacer ce que la mort signifie de décomposition et de destruction. Et Régis Debray. Prolonger la vie. 78 ans. Ce n'est pas supprimer la mort, ni la finitude. Et autant, moi, je crois que je suis assez d'accord avec plein d'idées qu'ils peuvent défendre l'un et l'autre. Je dis pas que la mort, c'était mieux hier, mais qu'il y a en tout cas un malaise dans la civilisation. Mais quand même, le problème avec les intellectuels, c'est que ça disserte, ça tchatche. La mort, je pense qu'à ça. Mais ça passe jamais à l'action. Donc je me dépêche. Bah ouais, allez, go, go, go. Dépêche. Salut, c'est Livo, et je découpe les journaux avec mon micro pour arteradio.com. Le début du mois de septembre développe toujours cette sensation particulière où la légère morsure de l'appréhension dispute au picotement de la hâte la présidence des sentiments. Waouh, c'est Télégramme de Brest, ça ? Ça doit être du breton, du coup. Dans de multiples écoles, l'agitation ordinaire du savoir a repris ses droits. On ne jette pas les glands ! Sermonne l'institut du CE2 en prévention, constatant que le fruit du chêne s'est répandu sur la cour. Et on n'écrit pas sur les murs avec non plus ! Mesdames et messieurs, bonjour. 47 jours à tenir avant les prochaines vacances. Si j'avais le plus grand pouvoir du monde, j'arrêterais toutes les guerres. Ça, et les inégalités, les impuissances. Le terrorisme t'arrêterait ou ça, non ? Bah oui. La Voix du Nord, 4 septembre. Annoncée comme la nouveauté de la rentrée, l'interdiction du portable à l'école a été votée fin juillet. Vous avez vu le SMS de Laurent Wauquiez ? Ouais. Le Figaro, 5 septembre. C'est un numéro bizarre. Les quelques 190 000 lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont eu la surprise de découvrir sur leur téléphone portable de bien singuliers encouragements. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et que cette année vous réserve à tous de belles réussites. Laurent Wauquiez, président de la région. Le Monde, 7 septembre. Laurent Wauquiez joue à fond la carte des nouvelles technologies. Laurent Wauquiez. Pour cette rentrée, c'est le SMS qu'il a choisi. Vous savez qui c'est ou pas? Laurent Wauquiez. Non, Routier. Routier ou Routier? Routier. Alors, mon petit Laurent, honnêtement, j'ai dû relire son nom 3-4 fois avant de me dire qui c'était. Ah, voilà, ça me dit quelque chose, Laurent Routier, mais. Laurent Routier? Ça vient pas à mon esprit. Je vois, c'est qui Laurent Routier? Celui avec les lunettes, même. C'est lui. Lyon Capital, 4 septembre. L'opposition se demande comment Laurent Wauquiez a pu avoir accès à ce fichier. Ah, mais genre, il m'a piraté. Depuis quand il a donné mon numéro? Attends, il y a un problème là. Rebellion.info, 5 septembre. C'est apparemment en utilisant les données du Pass Région, un ensemble d'aides destinées aux 15-25 ans, que le président du Parti des Républicains a pu s'adresser personnellement aux lycéens et lycéennes qui faisaient leur rentrée. En plus, vous êtes un pointeur, monsieur, les lycéens, envoyés aux universités, je sais pas moi. Quoi, un pointeur? Un pointeur, c'est quelqu'un qui regarde plus petit que soi. T'es un pédophile, quoi. Et pendant ce temps-là, Libération, samedi 8 septembre. Épidémie, canicule, inondation, voyage dans la France de 2030. Dépêche. Le Progrès, 9 septembre. 10 000 personnes à Lyon pour sauver le climat. La foule a surpris plus d'un observateur. L'énergie, c'est un sacré sujet, quoi. Y compris parmi les vieux routiers du mouvement écologiste. Si énorme qu'on qui ont côtoyé des manifestants pour lesquels ce rassemblement était un baptême. Enfin, tu vois, alors qu'on aurait une petite, chacun sa petite éolienne quand il y a du vent, et bah ça serait chouette, tu vois, plutôt que d'offrir une merde en plastoc. Bah, pop, t'offres une éolienne, bam, tu la mets au haut de ton appart, hop, ça génère de l'énergie, et paf, et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et bah ça fait plein d'énergie, quoi. Inscrivez-vous maintenant en envoyant climat au 7-10-12. Vous vous rendez compte la polémique? Alors, le Huffington Post, 4 septembre 2018, la CNIL demande à Wauquiez des précisions après l'envoi de SMS à des lycéens. Alors, comment vous avez réagi quand vous avez reçu ce SMS? Bah, je me suis sentie super fraîche, quoi. Il m'écrit, quoi. Alors, tu réponds quoi, toi? Lis-moi. Bien vu, Roya, on doit bien jouer, quoi. Ça veut dire bien vu, frère? Oui, voilà, ça veut dire ça. Là, il me dit, votre réponse ne sera pas traitée, soit le délai de 24 heures a été dépassé, soit votre correspondant n'autorise pas les réponses. Alors, il envoie un petit message, je veux pas qu'on lui réponde. Il veut pas qu'on lui réponde. Pas très sympa, je trouve. Ok. Bonjour, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre. Putain, c'est sa messagerie. Vous pouvez me mettre un SMS à ce numéro, ce qui est le plus efficace. Ah oui, on va lui mettre un SMS. Ou me laisser un message vocal. À très bientôt. Au revoir. Putain, il répond pas. Comment je vais conclure cette chronique? Allez, Lolo, réponds cette fois. Réponds. Bonjour et bienvenue sur la boîte vocale de Laurent Wauquiez. Malheureusement, Laurent est bien trop occupé et ne peut te répondre. Alors mets-lui vite un SMS sur le 6963. Sur le 6963, si tu veux du bullshit sur le travail, envoie un... Un couple qui est au RSA peut gagner plus qu'un couple dans lequel il y a une personne qui travaille au SMIC. Si tu veux un like sur la famille, envoie deux. Ce qui compte mes valeurs, c'est qu'un enfant n'est pas un père et une mère. Et si tu veux du love sur la patrie, envoie trois. C'est la France et ils n'ont rien à faire ici. Alors vite, 6963, les 10 premiers SMS gagneront une parka rouge pour aller faire de la rando en Auvergne. Jeu sans obligation d'achat, 4 euros plus le prix d'un SMS et on garde ton numéro pour envoyer de la propagande de la part du président de la région et tous les bénéfices de cette opération seront reversés aux associations de chasseurs. Il est quoi? Il est de droite, de gauche? Une de l'équipe, jeudi 6 septembre. Il est de gauche, non? Je sais pas. Une rentrée. De droite, de gauche, on verra bien. De champion. Vous, du coup, la politique, finalement, vous vous en foutez un petit peu? Enfin, je peux pas voter en France parce que je suis pas français de base, donc la politique française, mon... Toi, t'es d'où, toi? Moi, je suis suisse. Pourquoi t'as immigré ici? Parce que je voulais voir mon père. Moi, mon père, il est dans le business. Ils vendent du shit? Mais non. Non, il est. C'est un peu comme une sorte de trader sur les matières premières. T'as pas eu de problème pour les papiers, tout ça, la demande d'asile, ça s'est bien passé? Même pas de problème, c'est pas moi qui ai fait, donc c'est bien. Bon. On va travailler au bled, tu vas voir. Wesh, à la semaine prochaine. D'ici là, laisse pas traîner ton 06 si tu veux pas qu'il glisse et qu'il te ramène du vice. Dépêche. Dédicace à Albinite, Cousin Mondor, Neuville-sur-Saône. Ajoutez-moi à 6-9. Arte. Il va nous écouter, Laurent Wauquiez? J'en sais rien, peut-être. Radio. Et bah, coucou, quoi. Quoi. Je suis fille de Toto, qui milite à Montreuil. Je suis fille de zadistes.